En 1973, Bernard Parmigiani réitère quant à lui la rencontre par bande magnétique interposée avec l'instrumentiste Michel Portal, seul cette fois, sur un « et après » passionnant où ses spirales électroacoustiques et les notes tirées du bandoneon de Portal dessinent de véritables géométries sonores qui, en sculpture, seraient à rapprocher de l'art cinétique. Thank you. Musicien très précoce, Jacques Tolo a été témoin et acteur du développement du nouveau jazz en France, avant d'élaborer sous son nom une musique très singulière. Son premier fait d'armes n'est pas banal. À la mort de Sidney Bechet en 1959, Jacques Tolo, âgé de 11 ans seulement, son frère et quelques amis prennent l'initiative de rendre un dernier hommage à cette légende du jazz en allant jouer à son enterrement au cimetière de Garches, à quelques kilomètres de leur lieu de résidence. Se voyant refuser cet hommage, malgré une demande polie, ils ne se démontent pas et reviennent le lendemain jouer sur la tombe du jazzman défunt. Dès l'âge de 12 ans, Jacques Tolo fréquente, grâce à son père saxophoniste de jazz, le Club Saint-Germain. Il se lie d'amitié avec Bernard Vittet et prend des cours de batterie avec Kenny Clarke. Celui-ci, au bout de 6 mois, tout en continuant à lui donner des cours, l'engage comme remplaçant au sein du club, le Blue Note. Le jeune Jacques Tolo quitte le lycée et se retrouve encore adolescent à fréquenter les clubs et vivre dans ce monde d'adultes, d'alcool, de drogue et de sexe. À Juan-les-Pins, il accompagne des striptease. À Paris, sur les Champs-Élysées, il se fait parfois ramener au Blue Note par des flics, ayant peine à croire que ce jeune homme soit musicien professionnel. Il accompagne Bud Powell, Chet Baker, Art Farmer, René Thomas, Lee Konitz, Guy Lafitte, Donald Byrd. Un peu plus tard, Jeff Gilson l'intègre dans son big band. Il a l'occasion de jouer avec de nombreuses grandes pointures du free jazz. Eric Dolphy, Don Cherry, Barney Whelan, Sonny Sharrock, Joachim Kuhn, Walt Dickerson, Alan Silva, Steve Lacy, François Tusk. Jacques Tolo apprend aussi l'écriture et l'harmonie avec le compositeur Jean Baraquet, le plus romantique de l'école sérielle française, ce qui lui permettra d'apporter à ses compositions une couleur unique, une originalité rare. Son premier album solo, Quand le son devient aigu, jeter la girafe à la mer, édité en 1971 chez Futura, révèle une musique insolite aux vertus psychédéliques. Tolo joue de la batterie, du piano, de l'orgue et utilise quelques effets électroniques et montages de bandes. Il est à la fois l'unique compositeur et l'unique musicien utilisant avec parcimonie la technique du re-recording. De cette musique créée en solitaire se dégage un aspect fragile et un vrai pouvoir de séduction et de fascination. Cet album a souvent été comparé au premier album solo d'un autre batteur, The End of an Era de Robert Wyatt. Il évoque aussi parfois des ambiances que l'on retrouvera plus tard chez Pascal Comelade qui porte cet album au nu. Thank you. Ah,

Robert Wyatt à l'instant pour clôturer la séquence underground musical, underground musical français. Robert Wyatt qui nous chantait The End of an Ear. On continue en musique avec Radio Moscow et toujours l'interview qu'on avait eue tout à l'heure, l'entretien avec Sergio Martino. We'll be right back. Family Affair. J'ai collaboré avec Genio Alviso, qui était mon casting, mes deux filles, pour presque dans cette période. J'ai dit mon idée, et lui-même il me donne des idées. La séquence, je crois que la séquence s'est tournée avec l'intention d'avoir un changement entre les deux situations. Quelqu'un qui doit récupérer la fille et la fille qui est en train de mourir parce que la compétition du temps entre les deux situations. La fille qui va mourir et quelqu'un qui doit aller la sauver. vous savez qu'il y avait beaucoup d'inspiration de ces films, aussi par le film de Clouseau. Il y avait aussi un cas extraordinaire réel qui est venu, des monsieur qui a fait couper, mourir sa femme, parce qu'il avait mis sur elle une assurance sur la vie. Et il avait organisé une très, très bonne possibilité de n'être pas découvert, parce qu'il habitait dans une autre ville. L'histoire, c'est une madame qui meurt à Rome, et son mari qui vit à Milan. Et après 3 ans de recherches, on a découvert qu'il y avait une personne qui venait de Milan pour la tuer, et rentrer à Milan, et chez lui, il a fait ça pour l'argent. Parce que son mari, il avait assuré sa vie, la vie de sa femme. Tout ça. Cette histoire, c'est bien bonne. Il y a beaucoup de films aussi pour la signora Ward. Il y avait aussi un Dolce Corpo di Deva. La même situation liée à un mari qui avait gagné sur la mort de sa femme. Ah, évidemment, il y a surtout sur la Giorgio de Chirico, il y a surtout sur la séquence initiale du film Tutti i colori del buio. C'est important ça. Évidemment, la dimension lyrique donne la possibilité d'avoir des images avec du feeling et pour mettre le spectateur dans une condition d'avoir des émotions avec des images qui sont allégoriques et aussi d'avoir la possibilité d'avoir des images étranges. On donne le cauchemar, on donne sûrement une atmosphère très belle pour un film de thriller. To the right, let me get a close up. Let me get a close up. Look to the right, look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. Are you ready? Don't follow patronymic. Splooge, Eugene, look at that spillage. Scoop it up for the clinic. Try to keep it up in your lineage, making me livid. Got no limits, cynic. Wait a minute. Who were you looking at when you grew fat? You just blew that, can't redo that. Diminish the pillage, a privilege to visit my village. Are you finished? Saw shrinkage. You see snot coins in my mintage. Look to the right, look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Let me get a close up. Let me get a close up. You ready? Homozone, different wardrobe, testosterone. Blend a Tinder, find a grinder, romance the phone. Better go home, better get stoned. Set up in the mirror for peak of the clone. You're a person alone, with a person alone. Tasha Leon, gonna break your hip bone. Just a line of scrimmage. Not real, but image. A vintage gimmick that you just can't mimic. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Let me get a close up. Let me get a close up. Look, look. Put away the gear, come over here, let me show you how. Et vous pensez que dans, quand il est sorti le film, le public ne le comprenait pas tellement bien. Parce que c'est trop avant pour le style de cinéma dans cette période. Et je crois que dans les cinémas italiens, on a coupé la part dans laquelle l'Évadé va vivre ce qui va à venir. Parce que le public ne comprenait pas tellement la situation qu'avant, elle pensait que ce qui réellement va venir plus tard, et pour ça, elle va sauver son mari. Hein. Je crois que c'est une très belle idée, écrite par Ernesto, avec ma collaboration, évidemment, et pour le public, on ne comprenait pas. Maintenant qu'avec la possibilité de voir comme il n'est pas bien avoir laissé dans le film les cadrages faits pour l'ascension, il est bien que cette séquence est restée dans le film, parce qu'après, vous le comprenez bien. Mais le public dans la salle, au commencement, dans cette période, il était... Le film, tutti quello che vuoi, il avait une très belle photographie, il avait la facilité de Londres straordinaire che j'ai filmé dans cette période. Il avait la chance de tourner dans l'automne, et Londres c'était fantastique dans cette période.